France Inter. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'affaire Sébastien Nouchet, drame de l'homophobie. En février 2004, un fait divers fait la une des journaux. Dans une petite ville du Nord, un homme est aspergé d'essence par trois agresseurs, puis enflammé avec un briquet. Et tout ça, uniquement parce qu'il est homosexuel. C'est l'effarement. Comment une telle barbarie est-elle encore possible en France au début des années 2000? Ce n'est pas la première fois, pourtant, que le fléau de l'homophobie fait des ravages. Mais cette agression-là choque plus particulièrement. Si Sébastien Nouchet échappe à la mort, il est très gravement blessé, brûlé au troisième degré sur un tiers du corps, sans compter les blessures à l'âme, douloureuses, elles aussi. Alors, avec son compagnon, il témoigne dans les médias de l'enfer qu'il a vécu et qu'ils ont vécu, tous les deux. Côté politique, la droite au pouvoir s'empare de leur histoire et monte au créneau avec un projet de loi punissant les propos homophobes. Mais du côté de la justice, l'enquête patine. Pire, des doutes apparaissent, accompagnés de cette hypothèse sidérante. Et si Sébastien Nouchet s'était lui-même infligé ses blessures? Notre invité aujourd'hui, Alain Piriou, qui était à l'époque le porte-parole de l'inter-LGBT, dont nous en parlerons bien sûr. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire, Marie Kerschen, rédaction chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation Étienne Bertin. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Il est 19h30, en ce vendredi 16 janvier 2004, dans la petite ville de Neuilly-les-Mines, à 15 km de Lens. Adossé à un terril, vestige d'un passé minier encore très présent, cette commune de 12 000 habitants est typique de l'architecture du nord de la France. Collées les unes aux autres, les maisons de briques rouges dessinent de longues artères, répétitives et calmes. Trop, parfois. En ce soir d'hiver, la nuit est déjà tombée depuis 2 heures, et il n'y a plus un chat dans les rues. Tout juste entend-on, ici ou là, les bruits d'une télé dont les rayons de lumière bleutée illuminent les voilages des fenêtres. C'est dans l'une de ces maisons que vit Sébastien Nouchet, 35 ans, avec son compagnon Patrice, un ouvrier logistique pour une grande surface, de 3 ans son aîné. Ce soir-là, Patrice est encore au travail. Sébastien, lui, cuisinier, tombé dans une profonde dépression qui l'empêche de travailler. Alors il reste à la maison et s'occupe de ses animaux, sa grande passion. D'ailleurs, c'est une vraie ménagerie chez lui. 5 chiens, des chats, 8 perroquets et même des tortues. Mais justement, il est l'heure d'aller nourrir les oiseaux. Alors Sébastien descend au sous-sol pour leur donner leur ration de graines. Et là, il s'arrête et tend l'oreille. Il vient d'entendre des bruits suspects dans le jardin adjacent. Alors il sort et soudain, la lumière automatique s'allume et il se retrouve nez à nez avec 2 ou 3 hommes. Stupeur, les voyous se jettent sur lui. Sébastien sent son cœur battre à toute allure. Déjà, la peur de la mort l'envahit. Et si tout s'arrêtait, là, maintenant, il est comme pétrifié. En face de lui, un jerrican à la main, l'un de ses agresseurs lui jette un liquide inflammable sur le corps, sort un zippo de sa poche et met le feu aux vêtements imbibés d'essence. L'un d'eux crie: « Tu vas crever, sale pédé !» Cette scène effrayante, c'est la version de Sébastien Nouchet. Mais dans cette affaire, une question va finir par se poser. Est-ce bien réellement ce qui s'est passé ce soir de janvier 2004? Difficile d'en être certain, il n'y a aucun témoin de la scène. Des voisins finissent tout de même par arriver, alertés par les cris de Sébastien. Mais les agresseurs, si ceux-ci existent bien, ont déjà fui. Quand les secours arrivent, Sébastien Nouchet a tout juste le temps de leur glisser qu'il a été attaqué par une bande de jeunes avant d'être placé sous coma artificiel. Car il est grièvement blessé, brûlé au troisième degré sur une grande partie du corps. Et de fait, tout fait penser à une agression. C'est donc ainsi que la France découvre ce drame, avec ce premier reportage télé diffusé dans l'édition Nord-Pas-de-Calais du JT de France 3, et dans lequel la mère de Sébastien témoigne, sous le choc. Un habitant de Neuilly-les-Mines a été victime d'une agression sauvage il y a 10 jours. Des individus l'ont aspergé d'essence avant d'y mettre le feu. Ce n'était pas la première agression et il s'agit vraisemblablement d'un crime homophobe. Son compagnon est à son chevet et il témoigne, Céline Rousseau, Emmanuel Quinard. C'est accompagné de la mère de Sébastien que Patrice se rend au chevet de son compagnon, âgé de 35 ans. Le 17 janvier, dans son propre jardin, des individus l'aspergent d'un liquide inflammable, puis mettent le feu. Brûlé au troisième degré, il vient de subir une seconde opération chirurgicale. Il souffrait pas ? J'arrive pas à qualifier ça, quoi. De toute façon, c'est une horreur. C'est des monstres. J'arrive plus. L'histoire d'amour entre Sébastien et Patrice avait débuté sur les Mille Hospices, 14 ans plus tôt, loin des paysages de Coron. À l'époque, Patrice a 24 ans et travaille pour un parc de loisirs du côté de Dijon. Pour tenter de se conformer à ce que la société attend de lui, il s'est mis en couple avec une femme, avec qui il a eu une petite fille, Jennifer. Mais quand il croise la route de Sébastien, c'est le coup de foudre. Alors il quitte sa compagne et emménage avec son nouvel amour. Les deux hommes vivent à Salon de Provence, où est basée la famille de Sébastien, dans les Bouches-du-Rhône. Ils y passent 10 belles années, baignés par la douceur du Sud. La petite Jennifer vient les voir pendant les vacances. Patrice travaille désormais pour une chaîne d'hypermarché. Tout va bien. Mais en 2001, changement de décor, il est muté dans le nord de la France. Les deux hommes arrivent à Lens et s'y sentent plutôt bien là aussi. Ils organisent des virées en Belgique, écument les salles de vente à la recherche de Biblokic pour décorer leur salon. Ils sortent en club, une vie simple et heureuse. Mais le 31 octobre 2001, tout bascule. Ce jour-là, Sébastien vient de se garer près d'un parc pour aller promener son chien quand il est agressé par deux jeunes qui en veulent à sa clé de voiture. Il le roue de coups et s'enfuit avec le véhicule, laissant Sébastien sur le parking avec deux côtes cassées. Il porte aussitôt plainte et reconnaît l'un des agresseurs sur photo. Voilà, l'affaire aurait pu en rester là. Mais selon Sébastien, les individus en cause et leur petite bande n'ont pas apprécié leur passage au commissariat. Ils multiplient les représailles avec un acharnement teinté d'homophobie. Ces jeunes vivent dans le même quartier. Ça tombe mal. Et ils zonent régulièrement aux abords du domicile de Sébastien et de Patrice, boivent des bières, jouent aux cartes dans l'oisiveté la plus totale. La cohabitation est houleuse. Le couple subit des insultes homophobes, des crachats, mais aussi des agressions physiques, comme le raconte Patrice en 2004 sur France 3. Feu au domicile, coup de cutter dans la figure. Un cauchemar, quoi. Des agressions à répétition, quoi. La peur de rentrer à la maison, parce que moi je faisais deux fois le tour du pâté de maison avant de rentrer. En un peu plus d'un an, les deux hommes multiplient les plaintes à la police. Sébastien a été passé à tabac à son domicile. Puis, quelques mois plus tard, il a reçu des coups de tournevis dans le dos. Et les volets de la maison du couple sont incendiés. Plus tard, c'est leur porte qui est retrouvée en feu. Et c'est l'escalade. Sébastien vit désormais cloîtré chez lui, volé, soigneusement fermé. Le harcèlement poursuit également Patrice, au travail. Car l'un de ses collègues n'est autre qu'un membre de la petite bande, et celui-ci l'insulte régulièrement. La direction accepte alors de modifier les horaires de Patrice pour qu'il n'ait plus à le croiser. Éprouvé, le couple se rend dans une association homosexuelle, à Lille, pour témoigner de leur calvaire. Là, ils se sentent écoutés, enfin le temps d'une soirée. Mais ensuite, que faire ? Il reste seul. Mais il y a la justice. Et à partir de l'automne 2002, celle-ci tranche. Elle déclare coupable trois des tourmenteurs du couple. Deux hommes, dont un certain Yannick C., nous reparlerons de lui, sont condamnés à de la prison à plusieurs reprises. Un troisième mineur a droit, lui, à un passage en maison d'arrêt. Et parallèlement, le couple décide de fuir à une vingtaine de kilomètres de là, à Neuilly-Mines. Patrice et Sébastien déménagent en pleine nuit et prennent bien soin de se mettre sur liste rouge. La peur est désormais bien ancrée. Lors des premiers mois dans leur nouvelle maison, tout se passe bien. La vie reprend son cours. Mais 8 mois plus tard, nouvelle plainte. Nous sommes alors en août 2003. C'est la canicule, Sébastien est seul chez lui. La porte de la cuisine entrouverte pour laisser l'air circuler. Des hommes cagoulés en profitent pour s'introduire à son domicile et l'étranglent jusqu'à ce qu'il s'évanouisse, comme il le raconte aux policiers. L'étape suivante, c'est la sinistre soirée du 16 janvier 2004. Les brûlures de Sébastien sur le torse, les bras, le cou. Le soir même, il est transféré par hélicoptère à l'hôpital de Charleroi, en Belgique. Son état est jugé très inquiétant et laisse penser qu'il aura des séquelles à vie. Pourtant, au départ, cette histoire passe plutôt inaperçue dans les médias. Initialement, seule La Voix du Nord s'en fait l'écho dans son édition locale, le 19 janvier, suivie par le site internet du magazine gay Têtu. Et puis c'est tout. Le premier reportage télé n'arrive qu'une dizaine de jours après les faits. C'est celui de l'édition Nord-Pas-de-Calais du JT de France 3, dont nous avons diffusé un extrait il y a quelques minutes. À partir de ce moment-là, tout s'enchaîne. L'AFP publie sa première dépêche le lendemain et le reste de la presse en bref. Ça bouge aussi du côté des associations. Le 6 février, SOS Homophobie lance une pétition pour réclamer une réelle politique de prévention contre les agressions de ce type. La réponse politique ne se fera pas attendre et elle vient du plus haut sommet de l'État. Le 10 février, en effet, Jacques Chirac, le président de la République himself, adresse ce courrier à Patrice. J'ai appris avec émotion le crime odieux dont votre ami a été victime. Je souhaite qu'il se remette rapidement des conséquences de cet acte barbare qui succède à d'autres exactions scandaleuses. Soyez assurés que tout est mis en œuvre pour que les auteurs de ce crime soient arrêtés et sanctionnés comme ils le méritent. Je veux également vous faire part de ma détermination à lutter contre toutes les manifestations de rejet de l'autre et de ses différences, qu'elles soient fondées sur la race, la religion, le sexe ou l'orientation sexuelle. Rappelons le contexte de l'époque. Quelques années plus tôt, la droite s'est opposée avec Popax, finalement voté en 99 après des débats houleux. Bien sûr, elle est également vent debout contre toute idée de mariage pour les couples de même sexe et frémit à la mention de l'homoparentalité. En fait, elle n'a pas grand-chose à offrir aux électeurs et électrices lesbiennes, gays, bi et trans. Alors, faute de mieux, le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin s'engouffre sur la question de la pénalisation des propos homophobes. En juillet 2003, interpellé sur le sujet par l'inter-LGBT, le Premier ministre avait promis de faire passer une loi punissant toute injure ou incitation à la haine homophobe. Mais le dossier pour l'instant reste au point mort. Alors quand survient l'affaire Nouchet, c'est l'occasion pour le gouvernement de ressortir sa promesse de l'étagère. Ainsi, deux jours après la lettre de Jacques Chirac, c'est Dominique Perben, le ministre de la Justice, qui reçoit le compagnon de Sébastien Nouchet ainsi que sa mère. Après cette rencontre, il prend la parole devant les caméras où il évoque notamment la législation à venir. Je lui ai également indiqué que tout serait fait, bien sûr, pour retrouver les coupables. Le procureur de la République va donc compléter son réquisitoire pour introduire les circonstances aggravantes. Le parquet de Béthune avait simplement qualifié les faits de tentative d'homicide volontaire. Or, depuis mars 2003, le code pénal prévoit que l'homophobie est une circonstance aggravante d'un crime. Après son entretien, le garde des Sceaux a annoncé l'élargissement de la loi aux injures homophobes. Il est très important, y compris dans une perspective éducative, que les sanctions soient claires et que les poursuites soient systématiques. Et c'est ma volonté, comme en matière de lutte contre l'antisémitisme et le racisme, d'être absolument intransigeant en matière d'homophobie. L'émotion autour de cette affaire va grandissante. Le 14 février, Jean-Jacques Ayagon, ministre de la Culture, homosexuel lui-même et qui a été traité médicalement pour cela dans les années 70, ce qui montre la mentalité de l'époque, écrit à Jean-Pierre Raffarin pour lui faire part de son émotion et l'exhorter à présenter rapidement ce projet de loi. Dans les colonnes de Libération, le ministre constate et dit « Le seul avantage de ce triste événement est de nous inciter à ne plus tergiverser et ne pas en faire une affaire politicienne qui en oppose droite et gauche. Non, il est temps de désigner le mot homophobie comme un délit. » Le 15 février, c'est Jennifer, la fille de Patrice, désormais âgée de 17 ans, qui prend la parole. Dans une lettre touchante, publiée par le JDD, l'adolescente se demande comment on peut traiter un homme de cette manière. Les jours suivants, plusieurs rassemblements contre l'homophobie sont organisés par des associations LGBT. À Paris, bien sûr, mais aussi à Lille, Brest, Montpellier, Metz ou Lyon. Les médias s'emparent du sujet et donnent la parole à des gays et des lesbiennes qui témoignent de leur vie, comme dans ce reportage de France 2. Des couples de gays et de lesbiennes sont encore victimes d'agressions et de discriminations. Cette jeune femme, qui témoigne à visage couvert par peur de représailles, vit un enfer depuis qu'elle a emménagé avec son amie il y a 2 ans. Insultes, pneus crevés, vitres brisées, un harcèlement quotidien. Le fait de rentrer chez soi et de se dire que on va encore se faire insulter alors qu'à la base, on a rien fait, on n'a rien demandé, on a une vie comme tout le monde. Et c'est pas possible de vivre comme ça, quoi. C'est vraiment pas possible. Le mois suivant, en mars 2004, un manifeste pour l'égalité des droits est publié dans les colonnes du journal Le Monde, qui évoque le cas Nouchet et incite les maires des communes de France à marier illégalement des couples de même sexe. Le constat est simple et il motive cette initiative. Faut-il être vraiment surpris de l'homophobie ambiante dès lors que la loi elle-même ne traite pas les couples homo et hétéro de façon équitable? Si seulement elle savait comment tu la regardais, elle serait effrayée. Si seulement elle savait comment tu l'imaginais, elle pourrait t'abîmer. Mais laisse le temps, il pourrait vous donner une chance de vous retrouver. C'est sûr, pour oublier tous ses préjugés. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir, même si de reine c'est pas trop accepté. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Toi les rois tu t'en fous, c'est pas ce qui te plaît. Si seulement elle savait comment tu l'envisageais, même si t'es une. Elle savait comment tu pourrais l'aimer tellement plus que lui. Mais peut-être qu'un jour elle verra tout l'amour que tu pourrais lui donner. Moi je crois aux histoires qui peuvent parfois bien se terminer. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter, aujourd'hui drame de l'homophobie. Affaires Sensibles, Fabrice Drouel. L'affaire Nouchet fait donc réagir les médias, les politiques et la société civile. Pourtant, ce n'est pas la première fois que l'homophobie frappe de manière cruelle. L'année précédente, Jean-Pierre Humblot est mort noyé à Nancy après avoir été frappé puis poussé dans le canal par ses agresseurs. En 2002, c'est François Chenu qui est battu à mort par 3 skinheads à Reims. Tout cela dans une relative indifférence. Et tous les jours, des victimes appellent la ligne d'écoute de SOS Homophobie pour rapporter des agressions verbales ou physiques. Mais Sébastien Nouchet a été brûlé vif et ce mode opératoire horrifie. Alors, il devient un symbole. Et quand il sort de l'hôpital, il témoigne dans les médias. La voix est hésitante à cause des séquelles des brûlures et du fait d'avoir été intubé pendant de longues semaines. Qu'est-ce que vous savez de ce qui s'est passé pendant les plusieurs mois de coma que vous avez subi, de ce qu'a fait Patrice, de ce qu'a fait votre maman ? Oui, bon, j'ai su longtemps après mon coma, peut-être 15 jours après, j'ai su, parce que j'avais pas retrouvé la voix encore. Mm-hmm. Alors, avec maman, on faisait des gestes. Elle me disait, si tu m'entends, tu bouges les pieds. Mm-hmm. Alors, c'est comme ça qu'on a parlé pendant à peu près 10 jours. Mm-hmm. Sébastien Nouchet a subi plusieurs greffes, mais afin que la peau puisse se régénérer, il doit porter une impressionnante tenue médicale qui lui compresse le torse, les mains et lui remonte jusqu'au cou, comme si elle lui dévorait le bas du visage. Alors, qui sont les responsables de ces horreurs qu'il a subies ? Mi-mai 2004, on a enfin des nouvelles de l'enquête. Deux hommes, désignés par Sébastien Nouchet, sont arrêtés par la police. Si l'un est remis en liberté, l'autre est écroué pour tentative d'homicide volontaire avec circonstances aggravantes liées à l'homophobie. Il s'agit d'un certain Yannick C., 21 ans, l'un des anciens voisins de la victime à Lens, déjà condamné à 6 mois de prison ferme par la cour d'appel de Douai en 2002 pour avoir agressé physiquement Sébastien, notamment à coups de tournevis. Il est célibataire, sans emploi. L'expertise psychiatrique le décrit comme égocentrique et sociopathe. Et puis, il est aussi tout à fait homophobe. Oh, ça, il ne s'en cache pas. Mais il nie toute agression physique. Là encore, Sébastien Nouchet est interviewé par les médias pour commenter la nouvelle, comme ici, sur France Inter. On les connaissait déjà de vue, dénoncés. Il reste encore 2 personnes en liberté. Bon, j'ai peur. Bon, avec eux, il faut quand même s'y attendre à tout. Moi, cette nuit, j'ai fait des cauchemars. Il n'y a pas eu lieu d'enfer, pourtant, mais moi, je ne suis pas encore... Et puis, j'ai toujours en moi les flammes. Ça me fait peur terriblement. Moi, ce que je voudrais qu'ils soient jugés pour l'homophobie. Avant de mettre le feu sur moi, ils m'ont dit « Tu vas crever, sale pédé. » Un mois plus tard, c'est du côté législatif que les choses bougent. Le manifeste pour l'égalité, qui appelait les maires à célébrer des mariages de couples homo, est suivi des faits. Noël Mamère, alors maire de Bègles, marie 2 hommes le 5 juin 2004. C'est le fameux mariage de Bègles. Après avoir passé le printemps à tenter de convaincre Noël Mamère d'abandonner son projet, sans succès, le gouvernement rend enfin sa copie pour le texte que la presse a déjà surnommé la loi Nouchet. Le 23 juin, à quelques jours de la marche des fiertés LGBT, Dominique Perben présente son projet de loi en Conseil des ministres. Celui-ci prévoit d'inclure l'orientation sexuelle parmi les motifs de délit aggravés sur le modèle de ce qui existe déjà contre le racisme et l'antisémitisme. Seront donc punies les provocations à la discrimination, à la haine et à la violence en raison donc de l'orientation sexuelle ainsi que les injures et la diffamation homophobes. Le texte prévoit également que les associations de lutte contre l'homophobie puissent se porter partie civile. Là encore, comme c'est déjà le cas pour les associations de lutte contre le racisme. À peine présenté, ce texte longuement attendu fait plutôt l'unanimité. Mais contre lui. Parce que certains députés de la majorité voient une concession démagogique à un lobby minoritaire. Et puis bon, soyons francs. Non pas vraiment la lutte contre l'homophobie cheville au corps, ces élus. Et ils considèrent que les textes existants sont déjà bien suffisants. D'autres ont en tête les débats qui se profilent sur le mariage des couples de même sexe et sur l'homoparentalité et veulent pouvoir en dire tout le mal qu'ils en pensent sans qu'on ne vienne leur reprocher des propos homophobes. Pour le gouvernement, la partie s'annonce donc serrée. Il s'agit de s'afficher moderne et attaché au sort des citoyens homos de montrer que la gauche, finalement, n'a pas le monopole du cœur, en quelque sorte. Mais sans toutefois braquer sa base et ses propres parlementaires, numéro d'équilibriste classique du métier de politique. Mais ces députés-là ne sont pas les seuls à monter au front. Des éditeurs de presse, à leur tour, font savoir qu'ils ne voient pas d'un très bon œil cette modification de la loi. La définition de ce qui constitue un propos discriminatoire homophobe serait trop imprécise et pourrait pousser les journaux à s'auto-censurer pour ne pas risquer un procès. Ils y voient donc une menace à la liberté d'expression. Les associations LGBT, elles, se veulent rassurantes. Elles utiliseront cette nouvelle possibilité de se porter partie civile, bien sûr, mais avec parcimonie, elles ne passeront pas leur temps à saisir les tribunaux, comme l'explique le journal de France 2. C'est une honte d'avoir deux types vivants, se marier. Ces opinions-là seront-elles désormais considérées comme discriminatoires, donc condamnables ? Non, disent les associations gays qui se défendent bien de vouloir attaquer en justice à tout va. C'est une honte d'avoir deux types vivants, somme. Moi, je le ressens comme de l'homophobie, évidemment. Mais on n'est pas encore, je crois, dans la qualification pénale d'injure, de diffamation, de provocation à la haine. Aucun juge, aucune association, en tout cas, n'ira saisir les tribunaux sur des propos de cette nature. Pour les partisans de la loi, l'affaire est donc entendue, ne seront condamnés que les propos blessants et humiliants. Un autre aspect du texte fait également débat. Au dernier moment, le gouvernement inclut dans la loi la notion de sexisme, en plus de l'homophobie, afin de réprimer les discriminations basées sur le sexe, c'est-à-dire sur le fait d'être une femme dans le vocabulaire du législateur. Bon, une bonne idée, qui devrait plaire au camp progressiste et aux associations féministes. Sauf que, si le projet de loi entend réprimer la provocation à la discrimination, à la haine et à la violence contre les femmes, il n'a pas retenu le critère du sexe pour l'injure et la diffamation. Pourquoi ? Mystère. Les associations féministes réclament donc, elles aussi, une modification du texte. L'estocade est portée par la Commission nationale consultative des droits de l'homme qui, contre toute attente, se déclare partisane d'un retrait pur et simple du projet de loi. Oui, car elle craint la multiplication des catégories de personnes nécessitant une protection spécifique et donc une dérive communautariste. N'en jetez plus. Le gouvernement est alors contraint de changer sa méthode. Il n'y aura pas de projet de loi sur l'homophobie. Face aux nombreuses protestations, notamment de la Commission nationale des droits de l'homme ou encore de l'Église, Dominique Perben a choisi de retirer son texte destiné à lutter contre les propos discriminatoires à caractère sexiste. Les opposants craignaient qu'il ne conduise à limiter la liberté d'expression sur le mariage homosexuel. Le gouvernement renonce donc à son texte, mais reprend une partie de ses dispositions sous forme d'amendement dans un autre projet de loi qui passe alors devant le Sénat, celui qui entend créer la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, la HALD, promise par Jacques Chirac en octobre 2002. Que de détours, que d'atermoiements. Mais dans cette nouvelle mouture, sexisme et homophobie sont réprimés de la même façon. Et le délit de provocation à la discrimination homophobe ou sexiste est limité à des formes déjà présentes dans le code pénal, comme la discrimination à l'embauche ou au logement, par exemple. Malgré ces remaniements, le texte mécontente toujours certains parlementaires et les échanges sont vifs. Dans la salle des quatre colonnes, Christine Boutin se désole devant les caméras que cette loi fasse, selon elle, entrer la France dans une logique de communautarisme, encore et toujours. Dans l'hémicycle, le député UMP Christian Van Est attaque carrément le concept même d'homophobie et affirme que, je le cite bien sûr, « le comportement homosexuel est une menace pour la survie de l'humanité ». Eh bien, n'en déplaise à ce sauveur de l'espèce humaine, le texte est voté. Le texte voté cette nuit renforce notoirement les sanctions contre les propos homophobes. Des propos désormais passibles de peine de prison. La répression est ainsi alignée sur celle prévue en matière de racisme et d'antisémitisme. Ce qui a été voté cette nuit, c'est le respect qu'on doit à chacun, à chaque citoyen, de vivre tranquillement en France, une vie différente, qu'il s'est choisi ou qu'il assume. Pour cette avocate spécialisée dans la lutte contre les discriminations, ce texte constitue un signal fort. Cette future loi devrait permettre de sanctionner les propos homophobes ou sexistes qui sont proférés d'une façon générale et qui, avant l'entrée en vigueur de cette loi, ne sont pas sanctionnables, alors que sont sanctionnables des propos déterminés. Un tel dit à un tel « tu es un sale PD », c'est sanctionnable, mais si c'est dit d'une façon générale, ça ne l'est pas. Avec cette loi, cela sera possible, via notamment l'action des associations. L'incitation à la haine homophobe est donc désormais punie. La halde est en train de se mettre en place. Très bien. Mais où en est l'affaire Nouchet, qui a catalysé tous ces débats? Le 17 mai 2005, en pleine journée de lutte contre l'homophobie, c'est la stupéfaction. Aujourd'hui en France, révèle que le principal suspect dans l'agression de Sébastien Nouchet a été libéré dans la plus grande discrétion, après quelques mois de préventive, oui, libéré, faute d'éléments qui pourraient justifier son maintien en détention. Car les doutes des enquêteurs dans ce dossier sont désormais largement évoqués publiquement. Et il sème le malaise. Sébastien Nouchet a-t-il été victime d'agression ou bien, on ose à peine le formuler tellement l'hypothèse peut paraître sidérante, s'est-il lui-même infligé ses blessures? Cette éventualité est apparue en réalité dès le début de l'enquête. Alors que la victime présumée est convoquée au commissariat, après sa sortie de l'hôpital, le commissaire lui dit sans ménagement « Je ne crois pas à votre histoire. Je pense que c'est vous qui vous êtes mis le feu. » Sébastien Nouchet est dépressif, suicidaire même, puisqu'il a déjà tenté 19 fois de se supprimer. Une dizaine de jours avant le 16 janvier 2004, il avait été emmené par les pompiers à l'hôpital pour ne pas qu'il reste seul avec ses pensées. Alors, se pourrait-il que cette agression ne soit en réalité qu'une nouvelle manière de se faire du mal ? Sébastien explique dans la presse qu'il a été victime de viol à l'âge de 9 ans, que ses souvenirs sont remontés à la surface il y a quelques années, et bien sûr, il vit très mal, qu'on mette en doute sa parole, et il déplore qu'on utilise son passé pour tout lui mettre sur le dos. Et puis son entourage le défend. Ses tentatives de suicide étaient surtout des appels à l'aide. Théâtraux, certes, mais toujours avec des médicaments. Alors, mettre le feu, s'imposer de telles séquelles, ça ne cadre pas. Mais un autre élément lui fait perdre sa crédibilité. Sébastien Nouchet accuse nommément deux personnes. Yannick C., on l'a dit, mais également un autre homme. Or, celui-ci est le meilleur des alibis. Il était en prison au moment des faits. Alors, quel crédit accorder à la parole de Sébastien? Selon les moments, il a parlé de deux ou trois agresseurs. Et puis, pourquoi personne n'a rien entendu le soir même? Même pas un jappement de chien, alors que ceux de Sébastien sont d'habitude si prompts à aboyer sur tout ce qui bouge, aux grandes dames des voisins d'ailleurs. Bref, pour les enquêteurs, quelque chose décidément ne colle pas. Mais dans cette affaire délicate, rien n'accable Sébastien Nouchet non plus. Son avocate met en avant l'expertise psychiatrique qu'il a passée et qui a jugé ses déclarations crédibles. Comme elle le détaille à la presse, la notion de mythomanie n'apparaît pas. Il n'est pas retrouvé de tendance à l'affabulation ou de confusion mentale. Finalement, après 2 ans et demi d'enquête, le couperet tombe. Le 25 septembre 2006, faute d'avoir pu élucider l'affaire, la juge d'instruction du tribunal de Béthune rend un non-lieu, comme l'explique ce reportage de France 3. C'est la mère de Sébastien Nouchet qui a appris à son fils le 25 septembre dernier l'ordonnance de non-lieu prononcée par le tribunal de Béthune. Quand j'ai annoncé la nouvelle à Sébastien, il est tombé dans les pommes. Pour quelle raison, selon vous? Parce qu'il a été choqué, parce qu'il voit bien, il voit qu'on ne le croit pas et que c'est lui la victime, il est accusé un coupable. Et ça, je veux rectifier tout ça, Sébastien n'est pas coupable, il est victime. Par ce non-lieu, la justice lui reproche notamment son manque de coopération dans l'enquête. Cette décision sous-entend que la victime, en proie à la dépression, aurait pu s'immoler elle-même. 2 ans et demi après les faits, Sébastien Nouchet maintient sa version. Je pense que l'enquête a été mal menée, puis suivie. Pour moi, personnellement, ils n'ont pas fait leur travail. Dans la presse, le nouvel avocat de Sébastien Nouchet laisse croire que la théorie du suicide est écartée. Mais le procureur de la République de Béthune rectifie. Nous ne disons pas qu'il y a eu une agression avec des auteurs qui restent à identifier. Et nous ne disons pas non plus qu'il s'agit d'une tentative de suicide. Simplement, nous ne savons pas comment se sont produites ces blessures graves. Sébastien Nouchet décide de faire appel, mais sans succès. La justice a renoncé à trancher. L'affaire gardera donc ses zones d'ombre. Restent toutes ces agressions homophobes dont on entend si peu parler. Et pourtant, aujourd'hui encore, malgré les avancées, malgré les nouveaux droits, les victimes sont toujours nombreuses. Dans son rapport le plus récent, l'association SOS Homophobie détaille le nombre d'agressions physiques qui lui ont été rapportées sur l'année 2022, 184. Exactement une tous les deux jours. France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'affaire Sébastien Nouchet, tout ce qu'elle nous enseigne et dont nous allons parler avec notre invité Alain Piriou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'ex-porte-parole de l'Inter-LGBT. Alors, pour information, l'Inter-LGBT est une inter-associative qui regroupe entre 50 et 60 associations LGBT. C'est une sorte de fédération qui constitue l'un des principaux interlocuteurs des politiques. Et vous en étiez le porte-parole à l'époque, en 2004, l'inter-LGBT, la définition que j'en ai donnée, vous y êtes. C'était parfaitement ça, tout à fait. Elle organisait la marche de fierté, ce qu'on appelait aussi la Gay Pride à l'époque. Ah oui, c'est vrai. Alors, bien avant d'ailleurs. Bien avant. Alors, comment avez-vous réagi, vous, à l'annonce de l'agression de Sébastien Nouchet? Elle est puisée dans vos souvenirs. J'étais complètement sidéré, mais sidéré au sens propre, parce que les faits remontaient au 23 janvier. Quand j'ai recherché la réaction qu'on avait pu avoir collectivement, c'est seulement le 7 février qu'on a produit une première réaction. Donc très longtemps après, aujourd'hui on n'imagine pas qu'un tel fait puisse ne pas provoquer de réaction dans la demi-heure ou dans la demi-journée. Surtout avec les réseaux sociaux. Nous on a mis 15 jours, 3 semaines à le faire. Pourquoi ? Simplement parce que, en fait, on était donc sidérés et on ne savait pas exactement comment on devait s'exprimer. Sébastien Nouchet était dans le coma. Il s'était pas du tout exprimé à la suite de son agression. On avait juste un élément qui était son témoignage sur la civière des pompiers. Il y avait le caractère homophobe qui était déjà là. Mais nous, en tant qu'association, qu'est-ce qu'on pouvait dire? Est-ce qu'on n'allait pas sombrer dans la récupération trop rapidement si on se mettait à déduire d'une agression, d'un fait très précis, et bien des revendications comme l'ouverture du mariage, l'adoption, etc. Donc, pendant 10 jours, 15 jours, je me souviens que je ruminais ça. C'était vraiment quelque chose qui était très, très difficile à exprimer. Et puis, j'avais décidé d'appeler son avocat. On a parlé pendant une heure. C'était vraiment une séance de psychothérapie pour moi, parce qu'en fait, je lui expliquais vraiment tous mes états d'âme, et on a vraiment cadré en fait un discours où je voulais en fait que systématiquement, quand on produise un communiqué, ce soit relu par l'avocat, parce qu'il n'était pas question à aucun moment de trahir Sébastien Nouchet, qui ne pouvait pas s'exprimer à ce moment-là. Et alors, vous avez dû vous dire avec le recul que vous aviez raison, puisqu'est apparue cette zone d'ombre, cette question très gênante. Est-ce qu'il s'est fait ça lui-même? Oui, alors c'est une question qui nous a évidemment beaucoup beaucoup travaillé ensuite et qui est porteuse de leçons. Est-ce qu'il faut bâtir une revendication sur un fait divers qui n'est pas vraiment un fait divers, qui était un fait de société, mais en tout cas qui ne concernait que des circonstances très précises, ou est-ce qu'il fallait plutôt construire des revendications et bien sûr des principes? Le principe, c'était il n'est pas admissible qu'on traite moins bien les discriminations homophobes que les autres types de discriminations. Et la facilité pour une droite qui n'était pas du tout à l'aise avec les questions d'homophobie, c'était effectivement de sauter sur le caractère émotionnel de cette affaire pour convaincre une majorité qui ne voulait absolument pas légiférer sur l'homophobie. On a assez reproché à certains pouvoirs ou certains présidents, si vous me regardez, de bâtir une loi juste après un fait divers. C'était exactement ça. Et ensuite, on était dans le contexte de 2002, une élection. Enfin, c'était à la suite de l'élection de 2002, où l'élection présidentielle s'était jouée beaucoup sur la sécurité. L'insécurité. Et chaque fait divers commençait à enclencher une proposition législative. Et nous, c'était pas notre objet. Notre objet, c'était pas de dire il y a eu une agression homophobe, il faut absolument renforcer le code pénal. Le code pénal était déjà là. Les agressions étaient déjà punies. Ce qu'a montré sur le moment l'affaire Sébastien Nouchet, au moment où elle s'est révélée, c'était qu'il y a eu un échec collectif de nos associations, mais aussi de la justice, de la police, à protéger Sébastien Nouchet. Pas seulement pour cette agression-là, même si elle est discutée, mais aussi pour les précédentes. Pour les autres, il y en a eu d'autres. Tout à fait. On l'a dit. Et à votre avis, pourquoi celle-là a fait plus réagir que les autres agressions homophobes? C'est parce qu'il était brûlé, parce qu'il y avait un côté, entre guillemets, hein, spectaculaire? Oui, je crois qu'il y avait de ça. Il y avait aussi le fait que les deux précédentes agressions s'étaient faites dans des circonstances qui peut-être ne pouvaient pas permettre aux gens de se projeter aussi facilement à un homosexuel qui est agressé dans un parc, sur un lieu de rencontre. Bon, finalement... Peut-être qu'il a un peu ça, cherché, voilà. Là, Sébastien Nouchet était une victime d'un crime, d'une tentative de meurtre qui était absolument atroce, et donc il était peut-être plus facile de se projeter en voyant sa maman très courageuse qui intervenait beaucoup dans les médias, son compagnon qui lui aussi prenait la parole assez régulièrement. Donc il y avait peut-être une facilité plus importante à se projeter dans ce que avait vécu Sébastien Nouchet. France Inter. Affaire sensible, Fabrice Drouel. Alain Périou, je rappelle que vous êtes ex-porte-parole de l'intérêt LGBT qui regroupe entre 50 et 60 associations LGBT. Dans les semaines qui suivent la nouvelle de l'agression de Sébastien Nouchet, alors que cette version de l'histoire n'est pas encore remise en cause, Noël Mamère annonce qu'il va marier deux hommes en juin 2004. Comment cette initiative du mariage de Bègle a-t-elle pesé dans les débats de l'époque ? Je crois que ça a été le déclencheur d'une étape supplémentaire. En mars 2004, malheureusement, l'affaire Sébastien Nouchet, c'est dur de le dire comme ça, mais avait commencé à retomber. En juin et juillet, quand le mariage est arrivé, quand il a été célébré, on n'en parlait absolument plus du tout de l'affaire Sébastien Nouchet. Et finalement, les promesses qu'avait faites le gouvernement commençaient à se heurter, comme vous l'avez raconté, à des résistances très fortes de la part de la majorité d'une part, mais aussi de certains secteurs de la société. Et le mariage de Bègle a été une forme de mise sous pression du gouvernement pour qu'il sorte malgré tout quelque chose. Parce que même si finalement l'affaire commençait à retomber, il fallait quand même bien que le gouvernement apporte une pièce à son édifice, en tout cas apporte une réponse à des revendications qu'il considérait comme étant complètement inacceptables. Et donc le projet de loi avait finalement bénéficié par incidence du mariage de Bègle. Alors, le gouvernement de l'époque s'est montré très inflexible sur la question de l'ouverture du mariage aux couples de même sexe, ainsi que sur la question de l'homoparentalité, légiférait sur les propos homophobes. Est-ce que c'était une façon de donner le change, une sorte de lot de consolation, une manière de présenter l'image d'une droite plus moderne, plus progressiste sur ces questions, sans trop froisser la base? Vous l'avez ressenti comme ça? Ça pouvait être ressenti comme ça, sauf que ça aurait pu l'être si ça avait été si facile. Et en l'occurrence, ça n'était pas si facile que ça. Je reconnais à quelques personnalités de l'époque d'avoir pris quelques risques par rapport à cette majorité, parce que par la suite, de septembre à décembre 2004, mais ça a été un parcours du combattant inimaginable, pour simplement aligner, c'était même pas créer un droit nouveau, c'était aligner le régime qui réprimait les propos homophobes et les propos racistes. Il s'agissait simplement de faire en sorte que un propos homophobe soit traité exactement avec la même sévérité qu'un propos raciste. Aujourd'hui, ça nous semble une évidence. À l'époque, ça l'était absolument pas. Et il y avait un débat en plus qui était encore plus pernicieux, qui avait été introduite par la Commission nationale consultative des droits de l'homme. C'était, est-ce qu'on peut considérer l'orientation sexuelle comme étant un trait de l'identité aussi essentiel que peut l'être l'origine ou la religion. Ça voulait dire en quelque sorte que finalement, est-ce que c'est aussi grave d'être victime d'une injure, d'un propos et pourquoi pas d'un crime homophobe que d'un crime raciste? Il y avait une hiérarchie dans le... Il y avait une hiérarchie qui était faite et c'était une hiérarchie qui était complètement insupportable et qui persistait malgré tout dans certains secteurs de la politique. Alors, en 2004, alors c'était peut-être trop tôt, je ne sais pas, mais des associations et personnalités ont poussé, sans succès donc, pour que la transphobie, c'est-à-dire les discriminations contre les personnes transgenres, et la sérophobie, c'est-à-dire les discriminations contre les personnes séropositives, soit incluses dans le projet de loi, au même titre que le sexisme et l'homophobie. Occasion manquée, peut-être était-ce demandé trop tôt, trop vite ? C'était une demande qu'on avait formulée, effectivement, et on voyait bien qu'on arrivait avec des revendications qui chargeaient une barque qui était déjà très très difficile à maintenir à flot. Pour autant, on le demandait, hein, on voulait qu'il n'était pas question pour nous de créer une discrimination dans la discrimination. Et donc, on avait demandé cet élargissement, on ne l'a pas obtenu. Par contre, le fait que les propos sexistes aient été pénalisés, c'est finalement quelque chose qui faisait partie de nos revendications, mais auquel on ne croyait pas particulièrement. Parce qu'en fait, on voyait que la résistance était encore plus forte pour punir les propos sexistes. Mmh. Parce que des propos homophobes, il arrive à quelques-uns d'en tenir assez régulièrement, mais des propos sexistes, par contre, c'était encore beaucoup plus répandu. Et donc, ça faisait encore plus peur à beaucoup plus de monde, l'éventualité de pouvoir se retrouver dans un tribunal pour des propos sexistes. Alors, en 2012 et 2013, lors des débats sur le mariage pour tous, on a entendu des paroles encore très hostiles à l'homosexualité, voire des insultes homophobes. C'est à se demander si la loi a vraiment changé quelque chose. Déjà, ça veut dire que les craintes en 2004 de ceux qui disaient « on ne pourra plus débattre, ce sera terminé, on ne pourra plus dire qu'on est contre le mariage homosexuel », ces craintes n'ont absolument pas eu lieu d'être puisque le débat était très libre, même exagérément libre, puisqu'on a eu effectivement des propos qui étaient complètement inqualifiables, qui ont été tenus jusque dans l'hémicycle. Pour autant, la loi est très précise. L'homophobie n'est pas pénalisée. Ce sont les injures, les diffamations, les provocations aux crimes et délits et à la haine qui sont pénalisées. Ce qui fait que les tribunaux sont extrêmement sourcilleux. Si vous tenez un propos qui peut être considéré comme étant homophobe, mais qui ne rentre pas dans la catégorie juridique stricte, injure, diffamation, provocation, elle est légale. Et finalement, moi je suis très gêné, très embarrassé par des propos homophobes. Je ne les supporte pas, je les combats. Mais est-ce que c'est finalement pas... Est-ce que c'est plutôt, je pense, bon signe que dans une société démocratique, eh bien, le débat puisse parfois heurter, y compris nos propres convictions, la limite étant que quand on arrive à un niveau d'injure ou à un niveau de la diffamation, c'est-à-dire qu'on allègue de faits qui sont faux, eh bien là, la loi sanctionne. Mais garder une certaine liberté d'expression, de parole sur des propos qui sont... pour certains vécus comme blessants, mais qui finalement peuvent peut-être parfois être nécessaires à l'expression finalement de toutes les opinions. C'est une tolérance qu'il faut malgré tout accepter, même si ça nous fait du mal. Alors, se pencher sur l'homophobie, c'est voyager jusque dans les tréfonds de la bêtise humaine, parce qu'après tout, en quoi cela gêne les homosexuels que certains soient... En quoi cela gêne les hétérosexuels? Qu'est-ce que ça enlève que d'autres personnes soient homosexuelles? Rien, évidemment. Donc, est-ce que vous pensez que c'est par l'éducation, dès le plus jeune âge, qu'il faut faire prendre conscience que chacun vit sa vie, son orientation sexuelle, comme il l'entend? C'était quelque chose qu'on avait demandé dès 2004, même avant. Il fallait que ne pas seulement se concentrer sur un aspect répressif, mais aussi sur l'aspect éducatif, sensibiliser à l'école contre le racisme, le sexisme, l'homophobie. C'est un travail qui, je crois, n'a jamais été n'a jamais abouti, parce qu'en fait, dès qu'on relâche un peu la pression sur ces sujets, très très vite, les vieilles habitudes reviennent, et finalement, c'est un sujet qui doit sans arrêt être mis sur le métier. Un combat tous les instants. Merci infiniment. Merci à vous, monsieur. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire Sébastien Nouchet, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Florian Dorimini.